Et oui, mesdames et messieurs, puissance maximale se poursuit. Et comme on vous a dit un peu plus tôt c'est dans l'émission, on va vous présenter nos chroniqueurs qui vont être avec nous tout au long de la programmation de puissance maximale à CJMD. Et on va commencer avec M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, comment ça va? Salut, ça va très bien, Michael, et toi? Ça va très bien. Écoute, là, on explique tout de suite aux gens, Pierre-Luc, que ton entrevue, là, ta chronique avec nous est préenregistrée parce que tu es dans les vieux pays, tu travailles en France, en fait, dans le domaine de la sécurité informatique. Là, c'est pour ça qu'on voulait t'avoir à l'émission. Et là, on va parler de sécurité informatique, mais là, la sécurité informatique, ça va plus loin que les antivirus, là. Oui, oui, exactement. Bon, les antivirus, c'est sûr que c'est juste la pointe de l'iceberg, hein. C'est ce qu'on est habitué d'entendre parler. On parle de virus, alors qu'en fait, on devrait parler de malware en général. Le virus étant juste un type de malware. Donc, c'est du code malicieux en français. Il y a toutes sortes de façons de rentrer dans un système et donc il y a nécessairement toutes sortes de mécanismes pour empêcher que quelqu'un qui n'est pas autorisé rentre dans notre système. Dans le cadre d'émissions précédentes, on a entendu parler de littérature même, donc de romans portant sur ce domaine-là, sur la sécurité informatique. Tu nous as parlé d'actu. Tu nous parles souvent en fait d'actualité reliée justement à la sécurité. Donc, on va commencer tout de suite là. Vous allez voir que c'est quand même des chroniques très intéressantes parce que Pierre-Luc, en plus de travailler, dans le domaine, ben il a un site internet qui pour un peu. Ouais, démystifier la sécurité, c'est un peu, en fait, c'est une approche pour les gens qui connaissent pas ça. Donc, je vais pas trop dans le technique. C'est sécurité101.com. Donc, sécurité et les chiffres 101.com. C'est plus pour monsieur, madame, tout le monde, là, je dirais. Et là, justement, Pierre-Luc, parlant de vulgarisation, on va aller, en parlant aussi d'actualité, on va aller dans le vif du sujet pour cette chronique et on va parler du conflit qui se passe en Syrie, mais dans une toute autre dimension. Ouais, exactement. Donc, on a la Syrian Electronic Army, donc l'armée électronique syrienne, là, en français, qui est très, très active sur Internet depuis une bonne année ou deux, depuis le début du conflit, en fait. Donc, eux essaient d'avoir un maximum de visibilité. C'est un groupe qui s'affiche comme étant pro-Assad, donc pro-gouvernement en place là, en Syrie. Ils ont fait une série de coups d'éclat, surtout, récemment, ils ont détourné une série de comptes Twitter pour envoyer des tweets, à la place d'un journal, par exemple, ou de quelqu'un de très connu. Donc ça, ils ont fait ça quand même plusieurs fois. Et là, en fait, leur dernier coup d'éclat en date, c'est carrément d'aller chercher le contrôle de certains noms de domaine. Donc, twitter.co.uk, on a le New York Times, donc nytimes.com, et on a le huffingtonpost.co.uk. Donc, c'est vraiment des domaines qui ont énormément de trafic. Donc, en allant chercher en même temps le contrôle de tous ces domaines-là, ils ont vraiment fait un coup d'éclat incroyable. Ça fait la une de tous les sites web spécialisés. Là, on parle, le but de tout ça, là, finalement, c'est de faire de la propagande pour le côté gouvernemental dans le conflit, là. Exactement. En fait, le but, c'est que lorsqu'on va sur un de ces domaines-là qui a été compromis, c'est eux, plutôt que d'afficher la page normale de Twitter ou du Times ou du Huffington Post, on voit carrément un site web tout autre qui est celui de la Syrian Electronic Army. Donc, c'est un poster, si on veut, de propagande qui dit, qui explique que voilà, ils ont réussi à faire ça et que Assad, c'est le meilleur et voilà. Donc, c'est vraiment de la propagande pure. À l'ère électronique. Extrêmement moderne, mais c'est quelque chose qui s'est toujours fait en même temps dans le domaine de la guerre. Mais comme on dit, hein, il y a des classiques qui ne meurent jamais. Autant justement en mode guerrier, il y a des bons vieux trucs qui datent d'antan qui vont toujours fonctionner. C'est ça, ça change, mais en fait, c'est des méthodes qui ne mourront jamais. C'est juste la méthode, c'est juste le billet qui change. Et voilà. Et là, comment ils se sont pris finalement pour acquérir ces noms de domaine-là, en tout cas leur contrôle? Ben c'est ça, au début, en fait, c'est un peu étonnant de dire qu'ils ont pris le contrôle de trois domaines en même temps, mais en investiguant un peu plus, les experts se sont rendus compte que ces trois domaines-là, en fait, étaient hébergés au même endroit. C'est-à-dire que le fournisseur, donc, de ces noms DNS, c'était le même, c'est Melbourne IT. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, bon, sur mon site web, sécurité101.com, j'ai dû acheter ce nom-là à un provider comme ça de nom de domaine. Donc, ces trois domaines-là avaient été achetés au même endroit. Et donc, il y a un serveur qui est quelque part, probablement dans le coin de Melbourne, qui donc a l'autorité sur ces noms de domaine. Donc, ce que ça veut dire, c'est que eux, étant rentrés donc via un email malicieux, là, en fait, c'est du hameçonnage qui a eu lieu chez Melbourne IT, eux, donc, sont rentrés chez Melbourne IT et ont pris le contrôle de ces entrées-là et de ce serveur-là. Donc, en forçant donc de pointer donc chacun de ces noms-là vers la fameuse page de propagande syrienne. Là, quand on parle d'hameçonnage, là, on peut rappeler aux gens que ça peut leur arriver aussi assez facilement par le biais d'un courriel, par exemple. On parlera du fameux héritier ivoirien dont la fortune doit être transférée dans un compte Exactement. rapidement. Ça, c'est typique d'un phishing, donc un hameçonnage tout à fait classique. Donc, on nous promet mer et monde ou énormément d'argent ou on nous donne une promotion ou on se fait passer pour Google ou pour Amazon. Ou Puis, pour la le but banque, étant de parfois, là. soit nous forcer à nous donner à donner de l'information ou de l'argent à la personne qui est en fait derrière et qui est pas du tout Amazon ou pas du tout Google. Là, ces temps-ci, en plus au Québec, là, étant moi-même client chez certaines banques, là, ben, on reçoit ces temps-ci, malgré même de certaines banques qu'on j'avais jamais reçues. Justement de courriels comme ça truqués là cachant de l'hameçonnage, ben il y en a de plus en plus. Donc Ouais, ça faut vient par vague. C'est sûr que il y a quelqu'un à un moment donné qui décide qu'il fait du hameçonnage sur cette banque-là. Donc à ce moment-là, il va essayer d'attaquer ben, des adresses mail qui sont plus susceptibles, c'est-à-dire des points CA, par exemple, dans le cas d'une banque qui serait canadienne, ben, c'est sûr qu'il va essayer d'envoyer des mails de cibler le plus possible les mails qui l'attaquent. Donc les adresses courriel. justement. Donc, voilà, c'est une méthode, mais le lendemain, cette personne-là peut peut-être s'attaquer à une banque tchèque et là, il faudra qu'il fasse exactement la même attaque, mais il faudra juste qu'il traduise son attaque, tout simplement. Justement, avant de continuer avec la Syrian Electronic Army, rapidement comme ça, là, est-ce qu'il y a des choses essentielles que les gens doivent faire pour éviter ce genre de truc-là? Évidemment, ne pas répondre à ce genre de courrier-là, c'est élémentaire, là. Ben souvent c'est évident, c'est-à-dire qu'on voit souvent des erreurs, des fautes de français ben, ou d'anglais si c'est des gens qui sont de d'autres nationalités ou mais en fait pour lesquels c'est pas la langue première. Donc ça c'est le premier indice. Après c'est sûr que avant de cliquer sur n'importe quel lien qui serait dans un mail que vous recevez, vous pouvez toujours mettre votre curseur sur le de, en fait juste sur le lien. Quand il marque cliquer ici, vous mettez juste votre curseur sur le ici, puis vous voyez apparaître en bas le lien, donc la page sur laquelle ça vous dirige. Donc c'est pas si vous recevez un mail donc d'une banque en particulier, De ben, il toute faut que façon, là. le lien vous dirige vers le site web de cette banque-là. Sinon, ben, c'est évident que c'est de l'hameçonnage. De toute façon, à la base, en tout cas, je ne sais pas, en Europe, en France, mais au Québec, habituellement, les banques ne contactent pas leurs clients par courriel pour changer des mots de passe ou quoi que ce soit. En fait, ils les contactent jamais pour ça. Ouais, vous allez voir, pour vous en assurer, vous allez chercher dans votre historique de messagerie, vous allez voir, il y a certainement un mail qui va vous dire, en fait, que justement, votre banque n'ira jamais vers vous pour vous demander vos mots de passe ou pour vous demander votre numéro de carte de crédit, par exemple. Donc, ouais, c'est sûr que c'est de l'information. En fait, c'est un comportement très suspect qu'une banque vous demande de l'information qu'elle a déjà. Voilà. Donc, dans le doute, vous appelez. vous appelez votre banque. Donc, vous sortez, si vous voulez, du système informatique qui pourrait être compromis ou, ouais, ou donc, en fait, vous vous assurez à ce moment-là qu'il n'y a aucune compromission possible. Vous appelez, vous prenez votre téléphone. Donc, on revient dans les années 90, puis comme ça, on est certain de on est certain de pas avoir de problème. Mais de cette façon-là, en même temps, ben, c'est toujours important aussi peut-être de communiquer à son institution financière que ce genre d'hameçonnage-là qui est présentement sur Internet, s'ils sont pas au courant, ça Ouais, peut s'ils vous arriver, disent ça peut qu'ils vous ont arriver. rien envoyé, puis que vous avez reçu quelque chose, c'est certain qu'ils vont vous demander d'avoir une copie de votre mail. Voilà. Ouais. Ça vaut la peine de le faire pour prévenir les gens de votre institution. Mais revenons justement à la Syrian Electronic Army. Comme on disait tantôt, là, ils ont pris le contrôle, entre guillemets, là, des noms de domaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben ça, on a dit justement la propagande et tout. Mais qu'est-ce qui vient par la suite? C'est ça, c'est que eux, lorsqu'ils ont pris le contrôle des serveurs qui sont situés à Melbourne, donc pour prendre le contrôle de ces noms de domaine-là, eux, ce qu'ils font, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le DNS. C'est-à-dire que le DNS, ce que ça fait, c'est qu'on part d'un nom de domaine, par exemple Mais Google.com quand ou on dit DNS, Microsoft.com Pierre-Luc, quand on dit DNS, là, on parle du. Qu'est-ce que ça veut dire de Oui, DNS? c'est le Domain Naming System, c'est bien sûr en anglais, là. C'est quelque chose qui a été développé par le DARPA, en fait. Ça a été une commande qui a été faite à des experts de l'époque en 1983, par le DARPA. Donc, c'est un organisme qui est intimement lié à la défense américaine, là. Donc, c'est pour ça que tout se passe en anglais. Encore maintenant, sur Internet, la plupart aussi des organismes de gestion d'Internet sont américains. C'est parce qu'il y a un fort historique de l'armée américaine. Ça a été développé par l'armée américaine, Internet. Donc, voilà. Donc, Domain Naming System, donc le système de nommage de domaine, de nom de domaine, fait la traduction, si vous voulez, entre votre nom de domaine google.com, quand vous marquez n'importe quel nom de domaine dans votre barre d'adresse en haut de votre navigateur, ben il faut que votre navigateur sache à quelle adresse IP aller se connecter, puisqu'en vrai, lui se connecte pas sur google.com. Lui doit savoir exactement sur quelle adresse IP il doit se connecter. Donc, il fait une requête DNS. Donc, c'est-à-dire qu'il demande à son serveur DNS, le serveur DNS qui a été correctement enregistré là, sur votre machine. Donc, dans votre cas, chez vous, c'est soit votre routeur directement chez vous ou carrément les DNS de votre fournisseur d'accès Internet. Donc, c'est lui qui va, lui, ensuite, aller chercher l'information carrément sur Internet, sur d'autres serveurs DNS. C'est extrêmement hiérarchisé, là, ce système-là. Donc, on va jusqu'à éventuellement le .com ou le .org, qui est le serveur de premier niveau, ou dit racine. C'est tout part de ces serveurs racines-là, le .com, le .org, le .ca, ces choses-là. Donc, ensuite, eux donnent des noms de domaine, donc par exemple, bah, Google.com. Et ensuite, il y a Google.com, donc, a le contrôle sur son domaine à lui, donc peut créer des sous-domaines, par exemple comme mail.google.com, comme news.google.com. Donc, tout ça, c'est des. En fait, ça forme une hiérarchie de noms de domaine. Et tout ça est géré par les serveurs qu'on considère d'autorité là sur un domaine. Donc dans ce cas-là, Melbourne IT avait l'autorité sur les trois domaines qui nous concernent. Et à partir du moment où Melbourne IT dit voilà les nouvelles adresses IP pour ce nom de domaine, bah tout le monde les croit sur parole puisqu'ils ont autorité. Donc le système est fait pour que tout ce qui est dit par Melbourne IT qui concerne ces trois noms de domaine, c'est clair, ça doit être la vérité puisque c'est eux qui ont autorité sur ces noms de domaine. Donc en gros, Melbourne IT est compromis, ils changent tout simplement les adresses IP destination en fait lorsqu'on demande twitter.co.uk. Ben, tout simplement, à la place d'avoir l'adresse IP normale de Twitter, ben, on est redirigé vers un serveur, ça peut être n'importe où sur Internet, donc qui héberge la page web de la Syrian Electronic Army. Donc c'est sans même être rentré chez Twitter, sans même être rentré au New York Times ou au Huffington Post, ils ont réussi à détourner le trafic donc vers ces sites web-là, donc les détourner vers leur page à eux. Donc c'est là le tour de force. Et c'est une piqûre de rappel en même temps pour tous les fournisseurs d'accès, les fournisseurs DNS comme Melbourne IT, en disant, voilà, le DNS, c'est hyper important. Puis ce qui est le plus bizarre, c'est que c'est un vieux système, un peu comme les emails, c'est un vieux système qui a été pensé pour être utilisé dans un contexte très fermé, puis qui n'a pas été pensé pour la sécurité du tout. Donc, il y a un paquet de failles, en fait, à ce protocole-là qui est le DNS. Puis en plus, de la façon que tu me parles, la façon que c'est arrivé, ce détournement-là, on dirait que c'est avec l'hameçonnage par via courriel, on dirait que c'est ça a été quand même assez facile, là. Oui, mais on parle de quelque chose de relativement anodin, hein. Je veux dire, des attaques de phishing, c'est quelque chose d'assez commun. Je veux dire, tout le monde en reçoit, hein. Je veux dire, on en reçoit tous, que ce soit pour la banque, que ce soit pour votre compte mail, pour que ce soit n'importe quoi qui demande un mot de passe ou quoi que ce soit. Ben, on essaie de vous soutirer de l'information. Donc, c'est une méthode classique puisque justement le protocole SMTP, dans ce cas-là, le protocole de messagerie, donc de email, de courriel, lui aussi est complètement plein de trous, hein. Je veux dire, c'est pas sécure du tout comme méthode. Ça a été développé dans les mêmes époques, donc pour échanger facilement des mails, mais ça n'a jamais été pensé pour être attaqué, ou en fait pour résister aux attaques, je devrais dire, donc pour être sécurisé là, à tout point de vue. Donc la sécurité du DNS, c'est super important. Là, on en a une facette, c'est-à-dire le côté fournisseur de DNS. Donc c'est très important que notre fournisseur, effectivement, puisse garder le contrôle sur ces noms de domaine et les adresses IP qui sont le résultat de la résolution DNS. Donc la résolution DNS, c'est quand on part du nom et on va vers l'IP, on veut connaître l'IP. De l'autre côté, en fait, en termes de sécurité, on parle aussi la personne chez elle ou l'entreprise qui, elle, veut aussi, veut aller sur Internet. Donc, elle aussi, pour une personne, en fait, si un des employés veut aller sur google.com, ben, il veut vraiment, je veux dire, on veut pas qu'il arrive quoi que ce soit et qu'il atterrisse ailleurs. Donc, il faut à la fois que donc les fournisseurs DNS fournissent la bonne adresse IP, bien sûr, mais il faut aussi que les serveurs en local, de votre entreprise ou de votre fournisseur d'accès Internet, donc eux aussi ne soient pas compromis pour donner la mauvaise adresse IP, puisque c'est le même résultat, mais à une échelle moindre, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que on pourrait compromettre une entreprise au complet en redirigeant toutes les requêtes vers Google, ben on les redirigerait vers un site web de notre choix. Donc, finalement, là, toute cette histoire-là est un excellent exemple quand on dit aux gens de faire attention à leur information, à ce qu'ils vont envoyer via courriel. Oui. On n'envoie pas tout via courriel, ça, il faut se le rappeler. Et ça, c'en est un excellent exemple. Oui, puis il faut pas cliquer non plus sur n'importe quel lien d'un mail que vous avez reçu, puisque vous risquez aussi de downloader, donc de télécharger carrément une pièce de code malicieux et vous infectez votre machine. Si c'est chez vous, ben vous mettez vos données en danger. Si c'est au travail, par exemple, si vous travaillez avec une machine, avec un ordinateur, ben vous compromettez potentiellement toute l'information de votre société. Et là, c'est pas les mêmes applications. On a le résultat avec Melbourne IT qui, eux, vraisemblablement vont perdre énormément de contrats. Je sais certain qu'il y a un pourcentage incroyable de gens qui, dans le prochain mois ou dans la prochaine année, ne renouvelleront pas avec Melbourne IT et vont préférer aller voir ailleurs. Donc, Ouais, c'est sûr qu'il ça, va avoir des on... répercussions à ce Ah oui, niveau-là. ouais, des financières très importantes. Donc, ça vaut la peine de mettre l'argent sur une bonne sécurité quand on est une entreprise qui gère des informations aussi critiques. Il faut rappeler, c'est ça, c'est pas juste une question de courriel non plus. Il y a des fois sur certains sites douteux, là, faut pas cliquer partout non plus Ouais, quand on tout est ce sur que vous Internet. n'avez pas vraiment été. En fait, une règle d'or, c'est tout ce que vous n'avez pas été chercher et qu'on vous offre comme ça, sans nécessairement que vous aviez, que vous ayez voulu télécharger, ben vous ne le téléchargez pas. Voilà. C'est-à-dire que si, okay, si quelqu'un vous parle que oui, bon, je veux accéder, en fait, tu devrais télécharger telle application. OK, ça c'est une chose, c'est une personne qu'on connaît, c'est une personne en qui on a confiance. Mais si vous recevez un mail que vous avez jamais sollicité, qui vous dit essayez ce nouveau programme qui est super et qui va vous amuser, ben On touche pas à ça. c'est très louche, ouais. Voilà. C'est pour le moins très louche. Excellent. Ah, écoute, mais Pierre-Luc, c'est déjà la fin de ta chronique. Merci beaucoup de nous avoir donné autant d'informations, toujours intéressant. Et là, on vous offre tout de suite, mesdames et messieurs, une primeur pour la prochaine chronique de Pierre-Luc. En fait, parce que, comme vous le savez, là, aujourd'hui à l'émission, ça va être un dossier spécial cellulaire, là, surtout pour les téléphones intelligents. Et Pierre-Luc va bien évidemment vouloir nous parler de sécurité au niveau des téléphones cellulaires, des smartphones, des téléphones intelligents. Donc, pour ta prochaine chronique, tu nous prépares quelque chose là-dessus. Exactement, donc la différence entre les différentes plateformes donc de cellulaire et justement les bonnes méthodes, les bons comportements adaptés aussi quand on est sur notre téléphone. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir participé à Puissance Maximale et on va te retrouver une fois par mois pour nous parler sécurité informatique. Parfait, merci. Au revoir, Pierre-Luc, et on continue à Puissance Maximale.